C'est-à-dire que la nourriture, ça prend une telle place dans notre monde que c'est clair que vous avez tout cassé, là, comme code. Hein.